Yo. Je peux pas permettre de la laisser passer, de la laisser se casser, de la laisser se tasser. C'est ma chance. Ça fait bien trop longtemps que j'attends mon sacrement, tant que j'attends et apprenant tant que j'attends ma chance. Je pourrais voler comme un aigle, lâcher ma vie de sa nègre, montrer ce que je sais faire si j'ai ma chance. Peut-être même me sortir du coma dans lequel je me trouve, car le coma des mortes, elle ne me comprend pas, pas chance. Je peux pas me permettre de la laisser passer, de la laisser se casser, de la laisser se tasser. C'est ma chance. Ça fait bien trop longtemps que j'attends mon sacrement, tant que j'attends et après mon temps que j'attends ma chance. Je pourrais voler comme un aigle, lâcher ma vie de sale nègre, montrer ce que je sais faire si j'ai ma chance. Peut-être même me sortir du coma dans lequel je me trouve, car le coma des mortes, elle ne me comprend pas, pas chance. As-tu déjà eu l'impression de ne pas être vraiment à ta place dans ta life? Je suis pas comme les autres, je veux pas de chien, pas de wife. M'enfermer dans un ça veut pas de l'un, pas de as, pas le moine, pas le masse à écouter. Quand je rentre chez moi, y'a que du rap de dégoûter. Je retrouve ma bouteille et mon gros shit pour me shooter. Je suis pas comme les autres, je suis désolé, je dois ajouter. Je veux pas mourir, mais je me tue toute la journée. Pas des œuvres mortes, mais quand sais-tu, t'as pas tourné. Là où mes baskets se sont posées, t'es qu'un gourmet habitué au fin tape, ça c'est la vie, je dois l'avouer. Seulement c'est la tienne, la mienne, c'est pas pour se la jouer. T'es pas dans cette vie, tu connais pas, prends ta bouée. Sûr que t'es pas doué, tenir les murs, c'est pas beau. On vit tête décorée, mais quand l'avenir est noué, qu'elle doit être notre souhait, on n'est pas tellement pourri. Mais seulement c'est la vie, c'est du mal qu'on se nourrit. Et quand tu dis bonjour, c'est presque au diable que tout sourit. Donc pense à ça avant de venir traîner ton cul ici. D'ailleurs, si tu es là, c'est que tu n'as pas beaucoup de cul ici. Et seulement pour acheter ce qu'on te vend, passe tes yébis. Fais te spimer ce message qu'on ne prend pas les cartes de crédit. Ne fous pas de notre gueule ou tu manqueras dans ces prédits. Nous prends pas pour des ladies. Je peux pas me permettre de la laisser passer, de la laisser se casser, de la laisser se tasser. C'est ma chance. Ça fait bien trop longtemps que j'attends mon sacrement, tant que j'attends et après mon temps que j'attends ma chance. Je pourrais voler comme un aigle, lâcher ma vie de sale nègre, montrer ce que je sais faire si j'ai ma chance. Peut-être même me sortir du coma dans lequel je me trouve, car le coma des mortes, elle ne me comprend pas, pas de chance. C'est pour ça que j'écris mon talent et mon débit. Saurais-je la saisir, la seule unique? Pas me laisser tomber, canner au fond d'un guépier, épié par des enculés, me baignant dans ma mer. M'en sortir le plus rapidement possible, ordonner le change, le paix, repartir avec la fille. Dans ma cabane, des problèmes en cascade, mon étoile me lâche et me dit bonne chance. My last step, mon âme, street rap, my life, fait tout ça me ronge, me gronde, prouve que je n'ai pas de chance. L'angoisse, baisse la poisse, mon last step, mon bras, c'est tout ça me ronge, me gronde, prouve que je n'ai pas de chance. J'ai pas de chance, je n'ai pas de chance, ou bien j'ai de la chance, ou bien j'ai de la chance. Je n'ai pas de chance, je n'ai pas de chance, ou bien j'ai de la chance. Si tu penses qu'on n'est pas pareil, que les rimes pètent l'appareil, je suis haineux, c'est pas pareil, mais veineux dans un cas pareil. La chance. Voir la meuf de l'accueil me faire un clin d'œil. Pas de chance. Si les keufs t'arrêtent aux portes de ton seuil. Quand je pense. La France où le rap français est en deuil. A-t-on les mêmes chances si on habite putain dans le 16 ou Argenteuil? On a de l'orgueil, on a pas de guerre dans le larfeuil. C'est que les dollars fuient. Dans la vie y'a trop de dollars, fils. Pas de chance, on tombe dans le vide. Et peut-être qu'un jour on aura la chance de fuck le fils qui est en bise. Faire les jeans, voir en Jesus. Peut-être la chance, c'est hier d'échapper à la crise. Pas de chance. Je peux pas me permettre de la laisser passer, de la laisser se casser, de la laisser se tasser. C'est ma chance. Ça fait bien trop longtemps que j'attends mon sacrement, tant que j'attends et après mon temps que j'attends ma chance. Je pourrais voler comme un aigle, lâcher ma vie de sale nègre, montrer ce que je sais faire si j'ai ma chance. Peut-être même me sortir du coma dans lequel je me trouve, car le coma des mortes, elle ne me comprend pas, pas de chance.